en sortant jeune comme ça, on vous mettait avec un artisan à l'établi, ben automatiquement vous aviez l'habitude d'étudier, d'écouter. Bon, on écoutait cet homme-là. Ah oui.